parole était avec Dieu, et en elle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, une heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck-Stéphane Lavoie et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Jésus vient, nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous. Saint-Esprit vient. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous savoir connecté sur les ondes de la Radio Bonne Nouvelle en ce vendredi soir du 20 mai 2016, fête nationale du Cameroun. C'est en 850, l'an 850, en Nutelle, en France, qu'on commence pour la première fois à parler des apparitions mariales. De fil en aiguille, l'épiphénomène s'est transformé en un véritable phénomène. De nos jours, on en décompte plus de 100 cas où Marie, mère de Dieu, ou alors mère de Jésus, selon que certains veulent l'appeler, aurait apparu pour délivrer un message et apporter des guérisons miraculeuses. Pour rester tout proche de nous, c'est un mardi 13 mai 1986, dans le village de Nsimalen, situé à 20 km de la ville de Yaoundé, que la Vierge aurait apparu aux enfants, par la suite aux parents, et cela durant 9 jours. 13 mai 1986, 20 mai 2016, 30 ans déjà. Malgré que le temps passe, la destination Nsimalen demeure très prisée par nombreux chrétiens. Elle est d'ailleurs qualifiée de lieu saint où bon nombre témoignent recevoir des miracles. Lumière sur les ondes d'édition de ce 20 mai 2016 va questionner ce phénomène. Apparition mariale, réalité divine ou simple affabulation? Apparition mariale, réalité divine ou simple affabulation, c'est le talk show de ce soir. À thème édifiant, personne ressource, c'est une voix que vous n'avez pas écoutée depuis quelques mois. Ce soir, il est là, Charlie Bacody, bonsoir. Et merci de nous faire l'amitié et l'honneur de cette sainte co-présentation. Bonsoir à Franck-Stéphane Levoix, mesdames et messieurs, bonsoir. Il m'est choix, l'honneur d'être sur ce plateau exceptionnellement en ce 20 mai pour cet autre rendez-vous exceptionnel, Lumière sur les ondes. Un numéro spécial aussi bien sur le fond et sur la forme, car nous parlons d'apparition mariale, un sujet qui semble diviser le milieu chrétien, tant certains estiment qu'il s'agit de simples affabulations, des spéculations, de la diversion, de la superstition. D'autres pourtant y voient des visitations de la mère du Christ venues en esprit porter un message divin. C'est autant de questions que nous allons élucider tout au long de cette émission à la lumière de la parole de Dieu au travers des interventions de nos invités qui sont déjà avec nous dans ce studio. Lumière sur les ondes est une, vous le savez, co-présentation exceptionnelle Charlie Bacody, Franck, Stéphane Mevoy, avec à la réalisation Babette Doya, prise de son tonton Théo. Charlie Bacody, nous ouvrons cette autre édition de Lumière sur les ondes avec un chanteur, il s'appelle Lifoko du ciel et il chante « Je n'ai jamais vu un homme ». Bonsoir et bienvenue. Dans Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer ensemble. Les hommes amassent de l'argent et ils s'en vont à Jérusalem, là où mon sauveur fut crucifié. Ils s'en vont comme de grands touristes, mais ils rentrent toujours de pêche. Moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Les autres s'en vont dans des églises et il s'agenouille devant un morceau de bois. Et il se représente comme la croix de Jésus. Mais il rentre toujours de pécheur. Mais où est la croix? Moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Les autres s'en vont dans des musées et ils peuvent bien attraper cette croix. Mais ce n'est qu'une croix physique. Et où est celui qui pardonne? Et il rentre trois fois des pécheurs. Mais où est la croix? Oh, moi, je n'ai jamais vu un homme. Depuis le Congo et venant du ciel, l'Ifoko du ciel, le chantre chante « Je n'ai jamais vu ». Une chanson dont le message est fort évocateur et le thème a été choisi à dessein. « Je n'ai jamais vu », d'aucuns diront qu'ils n'ont jamais vu la Vierge Marie, mais d'autres diront mordicus qu'ils ont bel et bien vu, témoignage à l'appui et même parfois avec des photos et des images. La Vierge Marie à Simalène, à Lourdes ou ailleurs, apparition mariale, spéculation ou alors véritable révélation. On en parle ce soir. Franck Séphin, une fois encore, bonsoir. Bonsoir Charlie Bakoudi. Nous avons commencé immédiatement l'émission. L'émission est en direct sur la 99.6. Vous écoutez Radio Bonne Nouvelle. L'émission, c'est Lumière sur les ondes. Le thème qui est mis au devant des feux de projecteurs ce soir, apparition mariale, réalité divine ou simple affabulation. Je le disais d'ailleurs d'entrée de jeu, Charlie Bakoudi, que c'est en 850 que la première apparition mariale a été observée. C'était en Utelle, en France. Et de 850 à aujourd'hui, on a plus de 100 cas d'apparition. On se souvient du 13 mai 1986 où en Simalène, la Vierge Marie aurait apparu. Donc nous avons traité de ce thème, réalité divine ou alors simple affabulation. C'est avec nos invités qui sont déjà dans ce studio. Ils sont déjà avec nous dans ce studio autour de ces micros pour partager cette thématique et éclairer nos lanternes à la lumière de la parole de Dieu. Nous commençons par notre frère évangéliste Élie Bertrand Chapta Junior, qui nous fait l'honneur d'être avec nous un 20 mai, c'est pas donné. Frère Élie Bertrand, bonsoir. Bonsoir Charlie Bakoudi, bonsoir, je suis également très honoré de te retrouver encore dans ces studios, mais aussi de Radio Bonne Nouvelle. L'honneur est partagé. Le frère Élie ne m'a pas dit bonsoir, chose curieuse quand même. Non, mais bonsoir Élie. La fête du 20 mai, c'est la fête de l'unité quand même. Soyez ah bon unis. Absolument. Bonsoir mon frère. Rassurez-vous, nous sommes unis dans ce studio. Oui. À côté d'Élie Bertrand Tchabda, nous avons le prophète Georges Guillaume Modjo, de retour de ses longs voyages, qui revient dans ce studio. studio. Bonsoir, homme de Dieu. Ça nous fait plaisir de vous avoir. Bonsoir, Franck-Stéphane Mauvois. Bonsoir, Charlie Bakudji. Bonsoir à mon copaniliste, Elie. Bonsoir à tous les auditeurs de la radio Bonne Nouvelle. Je suis ravi de vous retrouver dans ces studios une fois de plus. Et justement, Charlie, un troisième invité qui malheureusement avait été annoncé en termes de cette émission, mais qui ne pourra plus être là de manière physique, mais on pourra l'avoir à partir de 19h par téléphone. Oui. C'est effectivement l'abbé Liban, qui est prêtre catholique orthodoxe de la paroisse. Sa paroisse se trouve du côté de PK14. Il a été très très occupé aujourd'hui, mais il va pouvoir participer à l'émission par téléphone avec nous pour pouvoir également nous édifier sur ce sujet. Apparition mariale, réalité divine ou simple affabulation. Nous entrons dans le débat. Nous entrons dans le débat avec une petite définition pour déjà planter le décor. La plupart des dictionnaires renseignent que l'apparition mariale est une vision de Marie, mère de Jésus. C'est vrai que la tradition populaire rapporte des centaines de visions de Marie, mais l'Église catholique romaine, elle, n'en a reconnu que 17 officiellement. Alors, Elie Bertrand Chabdas Junior, frère, parlons d'abord du personnage de Marie. Avant d'entrer de fond en comble dans la tradition, dans les visions, parlons un peu de Marie. Qui, pour ceux qui connaissent ou pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui font de la confusion, qui est Marie? Voilà, merci pour la question. Ce serait un très bon propos introductif pour pouvoir développer ce thème ô combien important pour nos amis les catholiques qui, pour tous certains, savent exactement qui ils servent dans cette religion et particulièrement cet être. Et pour d'autres, sont seulement entraînés par l'effet suivisme de la religiosité, ou bien pour d'autres, par l'aspect visuel de ce qui frappe à l'œil. Mmh. Donc, bibliquement parlant, les passages de la Bible où on mentionne Marie, ou bien pour qui fait état d'abord de la Marie dont nous parlons et qui est la Marie de la Bible. La Marie de la Bible, c'est une jeune fille de la maison de David, dont Luc chapitre 1 et Matthieu chapitre 1 nous fait état, en montrant que c'est une jeune fille simple, vierge, qui a reçu une grâce particulière de la part du Seigneur d'avoir porter le Messie promis à Israël. Parce que Dieu avait dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 7, à partir verset 14, en donnant la promesse de d'une vierge qui enfanterait. Il n'a pas dit quelle vierge enfanterait, parce que Dieu lui donne son plan et sait qu'il va le faire. Le moment arrivé, il a envoyé son ange, et selon nous, dans Matthieu chapitre 1, le verset 18 et suivant dit, voici de quelle manière est venu l'enfant Jésus. Il dit, la Bible déclare que Marie, étant fiancée à Joseph, s'est trouvée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. La Bible continue en disant que Joseph, son mari, qui était son époux, qui était un homme juste et qui ne voulait pas la diffamer, voulait comme ça se méditer déjà sur le point de rompre leur alliance. Et puis l'ange est venu lui dire que ne crains pas de prendre pour femme Marie, car parce que l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Je crois que tout le thème va tourner autour de cela et puis par le développement. Donc Marie, c'est une fille qui avait un homme qui était en une relation de mariage là et que Dieu est intervenu. Étant vierge, donc elle a fait une conception à sa virginité sans l'attouchement d'un homme. Maintenant, la question maintenant qu'on va développer, c'est que est-ce que la Marie qui est présentée à l'Église catholique aujourd'hui, dont nous parlons de l'apparition, comme le thème le dit, est-ce le Marie de l'Église catholique, de la Bible? Au fur et à mesure, on va prendre le parallèle pour savoir si oui ou non ce qu'on dit d'elle maintenant colle avec la réalité qui est présentée dans les Saintes Écritures. Ok, vous avez présenté le personnage Marie, frère Elie. Je vais me retourner vers le prophète Georges Guillaume. Le personnage est déjà présenté. Maintenant, vous, de manière personnelle, que pensez-vous de ce personnage, de Marie biblique, mère de Jésus-Christ? Moi, en tant que théologien, en tant que pasteur, j'ai une grande estime envers le personnage de Marie parce que Dieu a fait passer son fils. C'est-à-dire, la Bible est claire, Luc et Matthieu s'accordent là-dessus par rapport à ce qu'il y a dit tout à l'heure. Ça veut dire que Marie a trouvé grâce devant la face du Seigneur parce qu'elle était une vierge, elle était une ferveur servante du Seigneur et Dieu a voulu l'utiliser pour sauver l'humanité tout entière. Mmh. Et la prophétie d'Isaïe s'accomplit 700 ans après l'annonce de l'arrivée du Messie dans le monde. Mmh. Quand tu lis le livre d'Ésaïe chapitre 7 à partir du verset 14. Oui. Donc, moi, en tant que théologien, quand je regarde l'histoire de la Bible, ce que les Saintes Écritures nous enseignent dans le Nouveau Testament, j'ai une grande estime. C'est-à-dire parce que Dieu l'a utilisé. Ouais. Moi, en tant que serviteur de Dieu, je voudrais aussi que le Seigneur peut-être me confie une tâche de plus en dehors de l'évangélisation que je fais depuis je suis serviteur de Dieu. Donc, Marie, en tant que personnage biblique, il a sa place selon l'historique de la Bible. Mais pour la dévotion, on va arriver tout à l'heure Okay. Moi, je pense que c'est ma position. Alors, Charlie, si tu peux m'aller, est-ce que, d'après ce que l'homme de Dieu vient de dire, est-ce que vous avez de l'estime? Alors, est-ce qu'on peut prendre ce personnage biblique, peut-être pour des femmes, comme un modèle? Oui. Ça veut dire dans le sens de sa dévotion, oui, au Seigneur, dans le sens même de sa foi. Et est-ce que ça peut être un modèle aujourd'hui pour nous chrétiens du 21e siècle? Si modèle de femmes, il y en a plein dans la Bible. Oui. La Bible, remarquez bien paradoxalement que l'apôtre Pierre, parlant dans 1 Pierre au chapitre 3, oui, disant aux femmes qui doivent être soumises à leur mari, n'a pas pris l'exemple de Marie, bien a sûr, pris l'exemple de Sarah. Oui. Vous voyez effectivement que Dieu présente les modèles. Tous les acteurs et les actrices de la Bible ont des caractéristiques dont Dieu a présenté, voilà, afin que les êtres humains puissent en trouver solution. Mm-hmm. Nous allons voir par exemple le cas de Dina qui était l'une des filles du patriarche Jacob. Oui. Nous avons vu effectivement que c'est une fille qui était calme, mais qui a été violée parce qu'elle a quitté la famille pour aller se promener. Ou Lydie dans les actes des apôtres. Ou Lydie dans les actes des apôtres, justement, bien ou bien Dorcas. Oui. Les femmes sont présentées ainsi, mm-hmm, pour qu'on puisse avoir la Bible, que ces choses sont écrites pour notre instruction. Okay. Donc ce n'est pas seulement Marie sur laquelle on doit se focaliser. Pour la petite non, mais attends, pour rester dans ma question, est-ce, oui, que le personnage Marie est un modèle? Non, c'est un modèle. C'est un okay, modèle. C'était en fait ça la question posée. Charlie Bakoudi. D'accord, je rappelle que l'émission sera interactive tout à l'heure à partir de 19h. Vous pourrez participer en direct au 243 07 56 32 pour apporter votre contribution à cette émission. Alors, pasteur Georges Guillaume Diou, comment on se rend compte que les apparitions de la Vierge suscitent un certain attrait, de l'engouement, de l'extase, de l'émotion, de l'enthousiasme? Les gens sont contents, sont joyeux. Comment expliquer cette exaltation que suscite l'apparition de Marie? Moi, je pense qu'il faut bien comprendre, quand nous étudions les différents courants théologiques dans la faculté, on nous a parlé de la théologie catholique, c'est-à-dire la théologie catholique est focalisée sur les dogmes. L'apparition, quand tu vois, on parle d'apparition aujourd'hui, Marie doit être universelle comme Jésus-Christ. Mm-hmm. Elle ne fait qu'apparaître dans des églises catholique romaine. Vous allez constater que la dévotion mariale qu'on débat aujourd'hui, pour moi, c'est un dogme. Le nom, comment dire, l'évocation des saints dans cette église, c'est un dogme. Le nom mariage des conducteurs de cette église, c'est un dogme. Le purgatoire, c'est un dogme. Ça dit, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ouais. C'est de ça qu'il est question. Mm-hmm. Donc, nous avons, la parole de Dieu est claire. Christ nous dit dans les évangiles, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas deux chemins pour atteindre Dieu. Dans la doctrine qu'on donne à travers Marie, dans ces religions, ça veut dire que non, on peut passer par la mère pour atteindre le fils, pour avoir quelque... Non, Dieu est clair, ou c'est ça ou ce n'est pas ça. Dans les évangiles, Jésus-Christ a une mission. Et nous constatons aussi, dans les mêmes évangiles, après que Jésus ait reçu le baptême à travers Jean-Baptiste, on a vu des apparitions. C'est-à-dire entre il y a Élie et Moïse qui sont venus rendre témoignage que celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est-à-dire à travers la mission divine par rapport à ce qu'il a reçu. Aujourd'hui, on parle de l'apparition. L'apparition, on dit qu'on a vu Marie. Moi, je pense que Jésus-Christ qui est venu sauver l'humanité est descendu. On l'a vu, on l'a touché. Mais depuis des années, on n'arrive pas. On dit il y a apparition. On a vu Marie par-ci, par-là. Mais on n'a jamais touché Marie. Pour moi, ouais, quelque chose qu'on parle dans l'invisible, ça veut dire que ça devient plus compliqué. Jésus étant donné que Jésus-Christ est venu comme fils de Dieu, comme serviteur de Dieu, on l'a touché, tout le monde l'a vu, on a vu son ministère prospérer au milieu des humains. Mmh. Donc moi, je pense que l'apparition mariale, vraiment, c'est un dogme. Oui, c'est un dogme. D'accord. Alors, moi, je reste avec vous. Hein. On rappelle aux auditeurs que le thème ce soir, apparition mariale, réalité divine ou simple affabulation, vous pourriez participer par téléphone à partir de 19h 243 07 56 32, 243 07 56 32, ou alors par SMS au 699 49 37 90, 699 49 37 90. Alors, je prends la chute des propos du prophète Georges Guillaume Medjou pour vous poser la question, frère Élie, comment donc comprendre ces différents miracles, oui, qui se produisent aux endroits où la Vierge Marie aurait apparu? N'allons pas loin, n'allons pas à Lourdes, n'allons pas ailleurs, restons, oui, en Simalène. Oui. Moi, j'ai vu des personnes qui ont témoigné, oui, une fille qui ne parlait pas, qui dès qu'elle a vu la soi-disant, la Vierge Marie, elle s'est mise à parler, des lépreux qui ont retrouvé la guérison, des paralytiques qui ont marché. Comment comprendre donc ces miracles qui se produisent? Un peu comme dans la piscine de Bethesda. Exactement. La Bible déclare que Dieu ne se répand pas des dons et des appels. Lorsque, sous réserve que tous ceux qui m'écoutent maintenant croient qu'il y a un Dieu qui a créé les cieux et la terre, et il y a un opposant qui s'est opposé à lui, appelé Lucifer. L'archange Lucifer, lorsqu'il a été dépouillé, chassé du ciel glorieux du Seigneur, il n'a pas été dépouillé de sa puissance. Ça veut dire que c'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc ce sont des puissances que nous avions en face de nous. Donc ces gens-là ont des puissances. Nous voyons effectivement, ce n'est pas son cas seulement, le marabout, les gens vont chez le marabout, toute satisfaction. Les gens vont chez il y a des gens qui entrent sous l'eau ici, entrent dans l'eau et sortent, il n'y a pas de l'eau. Pourtant, le pasteur qui fait des miracles ne peut pas faire, il faut savoir se noyer. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le camp opposé, nous avons des êtres qui traitent avec des esprits désincarnés. Et ces esprits-là sont effectivement puissants. Lorsque c'était le cas d'un Simalem, le miracle qui se passe au cas d'un Simalem, c'est le petit miracle. L'apparition dite de Fatima, Fatima en 1917, c'est l'un des cas les plus typiques de cette puissance de cette déesse-là. Parce qu'il faut voir qu'on touche là, parce qu'on a comme impression que la statue avec laquelle on est blagué, on croit que c'est juste de rendre culte, qu'il n'y a pas de problème. Il faut qu'on comprenne que derrière les, comme l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 8 et chapitre 9, il a dit clairement que je ne veux pas qu'on soit en communion avec les démons. Parce que derrière une idole se trouve un démon qu'on est en train d'adorer sans s'en rendre compte. C'est quand même curieux, donc on voit effectivement que, vous voyez effectivement, on va parler de la Madone noire. Dans un autre pays, par exemple en France et au Cameroun, on va voir Marie peint en blanche. Dans une autre partie du monde, au Brésil, en Chine, ce sera noir. Rouge, l'autre ce sera noir. Oui. On se pose la question, quelle Marie est-il question? Donc vous voyez qu'il y a un problème. Donc le fait que les miracles se produisent, ce n'est pas une authenticité, que ça vient de Dieu. Puisque lorsque nous rentrons dans l'Ancien Testament, quand Dieu a envoyé Moïse d'aller produire le miracle, les pharaoniques ont fait la même chose. Les miracles sont allés crescendo jusqu'à ce qu'eux-mêmes ils reconnaissent que ici c'est le doigt de Dieu. Ça veut dire que malgré qu'il y ait les confrontations du miracle, il y a le miracle de Dieu qui va être tout au-dessus. Et maintenant, plus encore, le Seigneur nous a prévenu que au dernier temps, dans les derniers jours que nous vivons, effectivement, plusieurs vont être séduits par les miracles, puisqu'il a dit que plusieurs personnes vont faire des miracles en son nom. Et puis encore, il a dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 que lorsque l'Antichrist, l'homme impie, viendra, il dit c'est par toutes sortes de séductions et de miracles pour ceux qui périssent. Donc il y aura les miracles qui sont destinés à amener plutôt les gens à la perdition pour qu'ils croient au mensonge. L'un des miracles dont est caractérisé par, par les miracles produits par ces apparitions-là. Okay. D'accord. Mmh. Nous retournons vers le pasteur Georges Guillaume Dio, toujours dans le but de comprendre ces apparitions mariales. Pasteur, Marie serait apparue, les gens l'auraient vue, auraient rendu témoignage. Revenons au concret. Il y a des gens dans la préparation d'émission qui se posaient des questions. Les morts sont morts. Ils sont dans le repos éternel. Est-ce que les morts peuvent apparaître encore à nos jours? Pasteur Georges Guillaume Dio, est-ce que bibliquement, un mort peut-il encore apparaître, faire des visitations, porter des messages aux vivants? J'ai souri un peu par rapport à cette question. Ça dit bibliquement, quand tu lis le livre de Lévitique, Exode, Dieu est contre l'évocation des morts. Sur le fait que moi j'ai perdu mon père qui m'aimait, par exemple, il nous a laissé dans des problèmes jusqu'à aujourd'hui. Ça dit s'il avait la force de revenir pour résoudre un certain nombre de problèmes. Moi je dis, on ne doit pas blaguer avec la parole de Dieu. Soyons sérieux. Moi j'ai perdu mon père qui m'aimait jusqu'à aujourd'hui. Il est mort en 1996. Donc, j'ai chanté, j'ai prié, j'ai fait des tours partout là où on allait, à deux. Ça dit que pour même voir sa sulette, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais vu sa sulette. Donc, moi, j'ai dit, nous avons la parole de Dieu qui nous façonne, qui nous corrige selon les explications de l'apôtre Paul. Ça dit, la parole de Dieu est là pour donner la direction à la vie du humain. Et cette parole est l'autorité suprême dans la vie chrétienne. Donc, moi, je pense que les morts, quand quelqu'un est mort, il est mort. D'accord. Même si, ça dit, quand tu vois, aujourd'hui, je l'ai dit souvent dans mes propos par rapport à la mission que le Seigneur m'a confiée, parce que le monde se soulève contre nous par rapport à cette mission, on pense que c'est le Dieu d'Abraham, de Moïse qui était un vrai Dieu. Alors, dans l'Ancien Testament, tu vas constater que ces anciens-là avaient une attitude, ça dit, ils étaient intègres. Dans toutes les générations d'hommes, d'enfants de Dieu, il y a des hommes de Dieu intègres. Il y a des hommes de Dieu qui ont de la valeur, qui vivent dans la crainte de Dieu. Donc moi, je pense que même Abraham, il est mort. C'est à nous de d'importuner la mission que le Seigneur nous a confiée. Alors, effectivement, Li Bertrand Tchabda, est-ce que ce que l'homme de Dieu, le prophète, est en train de dire, ne semble pas un peu ambigu, dans le sens où, dans la parole de Dieu, les théologiens ont pour moi parlé de la transfiguration. Oui. Est-ce que pendant la transfiguration, des personnes qui étaient déjà passées de vie à trépas, oui, n'ont pas réapparu? Je prends le cas d'Élie, par exemple. Ouais. Comment comprendre cela? Maintenant, il y a la différence. Quand Dieu fait quelque chose, il ne peut pas dire que je suis contredit par la suite. Oui. La transfiguration, il n'y a aucun mot parmi. La Bible nous refait effectivement que Moïse était mort, puis il a été ressuscité. Puisque la Bible déclare dans Jude chapitre 1, verset 9, que Michaël est venu porter son corps, de ne pas rester dans la mort. C'est différent. Il est passé là-bas pour montrer effectivement, les deux étaient là pour montrer effectivement que tôt ou tard, il y aura des gens qui seront vivants. Comme le cas d'Élie qui était vivant, était enlevé. Et puis quand les gens qui seront morts en croyant en Dieu, qui vont être ressuscités, les deux étaient représentés là pour montrer que ceux qui vivent en ayant l'expérience vont être enlevés. Et ceux qui sont morts avec l'expérience vont également être enlevés pour être devant le Seigneur de gloire. D'accord. C'est ce qui est présenté là-bas. Mm-hmm. Il ne s'agit pas de ce que le thème de Marie. Mais la question de Charles Bakedi au prophète soulève une ambiguïté. Parce qu'en réalité, les dogmes de l'Église catholique disent que Marie n'est pas morte. Après son justement, elle a été enlevée. Il parle de la dormition. La dormition de Marie. Voilà. En fait, quand vous lisez les apocryphes que les catholiques ont particulièrement, vous allez voir effectivement que le moment où Marie devait être enlevée, les apôtres sont venus de part et d'autre dans tout le monde entier, Irénée et autres là-bas, pour se réunir autour d'elle et s'est prosternée. Et puis elle a été enlevée au ciel. On parle donc de l'Assomption. Donc, en fait, chaque 15 août. Ce n'est pas scripturaire. Non, c'est pas. En fait, j'explique d'abord le dogme parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans l'Église catholique. Ils suivent, comme je dis au départ, mais qui ne comprennent pas ce qu'on dit. Il faut d'abord expliquer dans ce qu'eux ils disent, puis venir dans les Écritures expliquer que c'est contraire aux Écritures. Maintenant, donc d'après ce qu'ils expliquent, donc ça c'est le livre apocryphe dont on parle de Marie, comment elle est montée aussi, parce que la Bible ne dit nulle part comment elle est montée. On va voir effectivement au travers des Écritures comment elle a progressé et comment est-ce que Jésus-Christ l'a traité et les apôtres l'ont traité jusqu'à ce qu'elle a quitté la scène. Donc maintenant, il dit donc que ces livres apocryphes montrent effectivement comment Marie a été enlevée. Les livres apocryphes parlent effectivement comment les apôtres sont réunis, sont soumises en pleurant et en donnant les derniers adieux à Marie pour qu'elle puisse intercéder pour l'Église. C'est pour cela qu'il y a tous ces cultes autour d'elle. J'ai tenté de dire donc que le culte autour de Marie parle d'une. Il y a un dogme particulier qui dit par exemple qu'elle n'est pas morte après son séjour terrestre. Vu qu'il y avait d'abord un dogme préalable de l'Immaculée Conception. Il y a l'Immaculée Conception et puis cette doctrine qui dit effectivement que Marie a été conçue. C'est dans les questions. Marie a été conçue lorsque son père et sa mère sont partis de façon surnaturelle, de façon de la grâce parfaite de Dieu. Dieu a préservé Marie du péché originel. Non, mais c'est quand même terrible. Pourtant, nous voyons effectivement dans la Bible comment la Bible déclare dans Romains chapitre 3, verset 9 et 10 que nous avons déjà démontré que soit les Juifs, soit les Grecs sont tous sous l'empire du péché. Et l'apôtre Paul dit au verset 23 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais eux, ils sortent un dogme longtemps après, 1000 ans après, pour dire que les maris, de façon magique et spirituelle de la part de Dieu, avaient été conçus sans péché originel. Pourquoi? On est en train de se focaliser sur la personne Marie. Mais permettez-moi de faire un stop avant d'avancer. D'accord. Lorsque nous sommes allés parler dans mon propos ici, j'ai dit qu'il va falloir qu'on fasse la différence entre cette soi-disant Marie qui apparaît, puis le mari de la Bible. La Bible, oui. Le stop que je vais faire, c'est pour dire d'abord, le mari de la Bible, la mère du Seigneur Jésus-Christ, n'est pas celle qui apparaît, et ni celle dont l'Église catholique parle. Il faut que ça soit clair. Tout à l'heure, vous avez parlé dans votre introduction de l'apparition qui a commencé dans les années 850 jusqu'à cette ère. Mais d'abord, sous le pape Libère, dans les années 300, il y avait ces simulacres qui commençaient. Et encore plus bas, nous voyons cela dans la Bible. Si nous voyons effectivement là où Marie a été sanctionnée, mère de Dieu, Théologos, donc celle qui enfante de Dieu. Quand nous voyons là où ça a été sanctionné, c'est au concile d'Éphèse en 431 sous Nostérios. Nous voyons effectivement que c'est le peuple qui a sanctionné Marie parce que Nostérios a protesté contre cela, mais il ne pouvait rien. Il a dû sanctionner que Marie est la mère de Dieu. Souvenez-vous, j'ai dit, c'est en 431 au concile d'Éphèse et c'est dans la ville d'Éphèse. Curieusement, souvenez-vous de ceci. Dans Actes chapitre 19, à partir du verset 20 jusqu'au verset 28, nous voyons effectivement quand l'apôtre Paul est entré en Asie, il est allé à Éphèse confronter cet esprit. Toute la population, une fois de plus, s'est levée et on dit que grande est la déesse, la Diane d'Éphèse. C'est donc toute l'Asie, tout le monde entier rêvait. Donc c'est une déesse qui est depuis dans cette même ville. Et souvenez-vous, la Bible nous dit qu'une nation change-t-elle son Dieu? La Bible pose la question, la nation ne peut pas changer son Dieu. C'est pour ça que même si Israël soit désobéissant, le Dieu d'Israël, c'est quand même le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Oui. Donc par conséquent, la ville d'Éphèse, qui avait Diane pour déesse, n'a pas changé. Diane a changé son nom en mutant. Effectivement, cette mutation est venue parce que le culte de la déesse Diane, c'était un culte mère et enfant. C'est issu de l'Égypte ancienne, puis de la Babylonie qu'on a vu. C'est quelque chose de cette similitude. Et cette similitude donc, a permis à l'Église catholique d'incorporer donc cette doctrine païenne donc, au milieu de l'Église en donnant pour pour Marie, cette divinité-là. Puis, et nous allons retracer cela, Dieu voulant, jusqu'à l'Ancien Testament. Oui, je rappelle que le Père Jules Libam sera avec nous en ligne dans quelques minutes, tout à l'heure, pour donner également sa contribution à ce sujet très intéressant. Nous apprenons davantage dans ce studio. Pasteur Georges-Guillaume Dio, à la suite de l'évangéliste Tchabda, doit-on considérer Marie au même titre que tout le monde? Ne devons-nous pas accorder à Marie un statut spécial du fait qu'elle est quand même la mère du Christ, du fait qu'elle est quand même la mère du Seigneur, qu'elle a une grâce particulière, elle est salue entre toutes les femmes? Est-ce qu'on doit, au regard quand même de cela, ne pas donner une place un peu plus supérieure à Marie par rapport à tout? Supérieure par exemple à Paul, supérieure par exemple à Pierre, à Joseph même son époux. À Joseph son époux, même si c'est contre les dires de Paul qui vient plus tard nous dire que la femme doit être soumise à son mari et que le mari est le chef. Parce qu'il y a quand même famille. Ça. Est-ce qu'on doit considérer Marie au même titre, alors on doit quand même lui donner un statut un peu particulier? Moi, je pense, quand je lis, je parcours les Saintes Écritures, il n'y a pas en Jésus ou en Dieu, c'est-à-dire de l'Ancienne Alliance jusqu'à la Nouvelle Alliance, il n'y a pas de statut particulier. C'est-à-dire, à cette époque-là, okay. Dieu... Allez-y. À cette époque-là, Dieu a utilisé les serviteurs de Dieu. Pourquoi on ne donne pas un statut particulier à Moïse? Moïse, il a fait un grand travail de délivrer tout un peuple. Absolument. Donc, ça fait que... Nous allons prendre le père, sans vouloir vous couper, le père Liban qui nous appelle en direct. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, Abbé Liban. Vous êtes en direct de Radio Bonne Nouvelle, la 99.6. Ce soir, nous traitons d'un thème, apparition mariale, réalité divine ou simple affabulation. Oui, apparition mariale, réalité divine ou simple quoi? Affabulation, oui, voilà. Je tiens d'abord à saluer tous les auditeurs de Radio Bonne Nouvelle, oui, qui nous écoutent maintenant, c'est important. Il faut comprendre ici que les apparitions mariales peuvent avoir un sens pour ceux qui croient, en ces éléments. Vous savez, dans l'Église catholique, nous croyons à la présence de la très sainte Vierge Marie, tout simplement parce que Moïse a servi Dieu et il a été accepté dans le royaume. Il a été accepté. Et Marie, en 1950 déjà, le pape XII a décidé que Marie aussi était une divinité pour pouvoir représenter valablement la mère de Dieu, comme le disait Marie-Madeleine. D'où me vient-il que la mère de Dieu vienne me rendre visite? Et avec beaucoup, plusieurs apparitions que Marie a eues, et des guérisons miraculeuses, des messages venant d'elle, alors le pape XII a trouvé mieux, de pouvoir célébrer ce qu'on appelle l'Assomption, donc l'élévation de Marie. Donc, pour les personnes qui vivent l'apparition de Marie, je ne dirais pas non. Ces apparitions existent, et ces apparitions ont une connotation. La connotation des apparitions de Marie, c'est juste des connotations pour élever la foi. Ce n'est pas pour ajouter un plus, mais surtout pour élever la foi en Jésus-Christ. Pas la foi en Marie, mais la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ. C'est pour cela que vous voyez, ceux qui y partent ressortent avec des solutions, parce que quand quelqu'un vit sa foi, et que cette foi soit une foi profonde, cette foi finit par produire, par produire quelque chose par rapport à ce que nous avons besoin. Alors, donc, oui, Abbé Liban. Oui. Alors, on voudrait quand même savoir quel est l'encadrement que l'Église catholique met à ces différentes apparitions, quand on sait aujourd'hui que le diable peut se transformer en ange de lumière. Alors, quel est l'encadrement qui est mis dans ces différentes apparitions? Oui, vous savez, l'Église, c'est une Église sainte, catholique et apostolique, ça veut dire que l'Église a un chef. Et rien ne se fait dans l'Église sans la volonté du chef qui est Christ. Et maintenant, l'évêque, qui est le garant de l'Église, à chaque fois qu'il y a une apparition, l'évêque se réunit avec des prêtres de l'Église pour essayer de trouver. Vous savez, la Bible déclare qu'il faut discerner les esprits. Il faut discerner les esprits. Si ça se fait que cet esprit est un esprit malsain, voilà, on interdit immédiatement On dit non, il n'y a rien qui s'est produit parce qu'il faut mettre, il faut permettre aux fidèles de vivre une réalité. Nous avons vu quelque part dans les zones de Yaoundé où cette femme qui disait qu'elle avait filmé Jésus, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Voilà, il y a eu un comité, quasiment spirituel, qui était orchestré par l'évêque, et accompagné par des pères, des pères charismatiques qui ont demandé la volonté de l'Éternel par rapport à cela. Donc, il y a des apparitions, et l'Église essaie de faire tout pour que ces apparitions soient réelles. Si ces apparitions sont réelles, alors on laisse les gens y mettre leur foi, on y pense. Mais je pense que l'encadrement dans l'Église a toujours été un encadrement meilleur pour les fidèles chrétiens et ceux qui veulent aller de l'avant dans leur vie chrétienne. D'accord. Père Jules Libam, dernière question avant de nous quitter. Puisque vous venez de nous expliquer tout à l'heure que toutes ces apparitions sont consacrées par l'Église catholique, l'histoire nous enseigne que jusqu'ici, 17 apparitions officiellement ont été reconnues par l'Église catholique. Est-ce à dire que la plus près de nous, le 13 mai 86, l'apparition à Simalène, que tous les Camerounais connaissent, et on sait que combien de chrétiens vont là-bas se purifier, vont faire des cultes là-bas. Est-ce à dire que ce n'était pas l'apparition de Marie, puisqu'elle n'a pas été authentifiée par l'Église catholique? Non, vous savez, comme je le disais, c'est chaque chef de l'Église a sa façon de gérer l'administration de l'Église. L'évêque qui était en ce moment-là, je pense que c'était Monseigneur Jean-Zoie. Oui. Monseigneur Jean-Zoie qui était à l'époque, par rapport à Simalène, peut-être il n'a pas trouvé des points sensibles pour pouvoir apporter la vérité dans cela. Peut-être qu'il comprenait la chose autrement. Mais je dis, on voit à Lourdes en France, et ce qui se passe à Lourdes, et on voit par ailleurs. Et il n'y a pas seulement ces apparitions se font tous les jours dans le quotidien de tous ceux qui prient, de tous ceux qui vivent dans le Christ et qui reconnaissent Marie comme la mère de Dieu, comme le disait Elisabeth, d'où me vient-il que la mère de Dieu viendra de visite. Okay. C'est-à-dire tous ceux qui reconnaissent Marie comme la mère de Dieu, la mère du Seigneur Sauveur, c'est-à-dire ont soit vécu ces apparitions. Mais maintenant, si au Cameroun, il s'est avéré que Marie est apparue quelque part et que l'Église n'a pas pu prendre considération, mais je vous dis, c'est Simalène. Et à Simalène, vous allez trouver toujours, il y a des prêtres, il y a toutes les personnes. Ça veut dire que l'Église en une partie forte, l'Église assiste quand même ces personnes qui vont là-bas. Ok, alors nous vous remercions infiniment pour votre participation à cette émission. On vous recontactera peut-être dans la semaine prochaine ou un peu plus pour vous avoir de manière physique en studio. C'est un plaisir partagé et surtout que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci. Amen. Beaucoup. Merci bien. Ok. Alors de retour dans ce studio, Charles Libam. Merci au Père Libam pour sa disponibilité quand même. J'ai vu tout au long de l'intervention du Père les réactions au niveau des visages de nos invités qui avaient envie de parler. Je reviens au pasteur Georges Guillaume Dio. D'abord, réaction après l'intervention du pasteur. Oui, ma réaction, c'est que j'ai suivi la thèse de l'abbé Libam, vraiment, oui, qui n'est pas soutenue par la parole de Dieu. Donc, qui est un homme. Ouais. Donc, moi je dis, nous avons la parole de Dieu. La parole de Dieu, tu t'es accompli à travers Jésus-Christ. Quand tu vois Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu, la sagesse de Dieu, la lumière du monde. C'est lui qui éclaire le monde. C'est lui qui nous donne le chemin. Mmh. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, que l'apparition mariale, la dévotion mariale, c'est un dogme à l'Église catholique. Mmh. C'est-à-dire, il n'y a rien à dire. Nous avons, on parlait de Moïse, d'Abraham. Ils ont servi le Seigneur. Mais au jour d'aujourd'hui, si des hommes et les femmes qui vivent dans le monde à l'heure actuelle ne veulent pas écouter les serviteurs que le Seigneur suscite à notre époque. Nous avons des prêtres parmi nous, des pasteurs parmi nous qui ont eu la charge de convier l'évangile, de prêcher à travers le monde. Donc il faut croire à ces conducteurs que le Seigneur suscite au milieu de nous. Et toute la parole de Dieu nous sanctifie. Si nous voulons de la sanctification ou des miracles, Jésus-Christ, il était clair là-dedans. Quand tu lis l'évangile, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si je veux les miracles, déjà, comme j'ai cru au nom de Jésus, je crois déjà, ça veut dire que c'est le miracle qui doit me suivre parce que j'ai la foi ma foi, elle est permanente, elle est profonde à la personne de Jésus-Christ. Donc, le miracle, c'est le miracle qui me suit, selon l'interprétation de ce passage dans l'évangile de Marc au chapitre 16. D'accord. Moi, je pense que le prêtre nous a fait vraiment une thèse vraiment qui ne tienne pas, il n'a pas d'argument. Il faut vraiment qu'il soit vraiment clair, c'est-à-dire que l'Église catholique revienne dans la parole de Dieu. Parce que quand tu vois autant la politique occidentale a échoué en Afrique, la même chose aussi, c'est-à-dire en partie, l'Église occidentale a échoué en Afrique par rapport à certaines doctrines. Parce que quand tu regardes ce qui se passe, ce n'est pas la vérité, en fait. Ok, alors moi j'ai retenu quand même quelque chose de que je trouve intéressant dans les dires du pasteur Georges Guillaume, qui nous faisait savoir que si effectivement les chrétiens aujourd'hui n'écoutent pas leurs leaders, ce n'est pas quand Marie ou bien quand Joseph va venir apparaître qu'ils vont se précipiter pour aller écouter. Il y a des hommes de Dieu qui prêchent de manière sérieuse l'évangile. Encore qu'ils pourront vous dire que Marie, justement dans ces versets, on parle de ce que quelqu'un revenait des morts. Marie ne revient pas des morts, puisque j'ai dit ici dans les propos que l'Église catholique soutient que Marie n'est pas passée par la mort. Oui. Et par conséquent, elle est montée avec un corps glorieux. Mais j'ai dit, j'ai arrêté mes propos ici. J'ai dit, Marie dont nous parlons, les apparitions mariales, il ne s'agit pas du mari de la Bible. Bien sûr. Elle est apparue au courant des siècles, même avant les chrétiens. Ça veut dire que même avant que la Marie de la Bible ne naisse, cet esprit-là était dans le monde. Mais je vais rebondir sur un autre propos pour dire ceci. Dans le livre de Luc au chapitre 11, par exemple, avant de revenir sur le cadre de la doctrine catholique par rapport à cela, dans le Seigneur Jésus a fait beaucoup de miracles. Dans le livre de Luc au chapitre 11, les versets 24 à 27, lorsque le Seigneur Jésus va faire un miracle, il y a une femme au milieu de la foule qui va dire que, elle va commencer à vouloir glorifier Marie. Permettez-moi de lire ça rapidement. Oui. Tandis que Jésus, verset 27 du chapitre 11 de Luc, tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit, heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent. Jésus savait effectivement que c'est un esprit qui voulait arriver à Marie. Vous aurez remarqué qu'il y a effectivement cette communauté de femmes qui aiment servir Marie. Ouais. Donc il savait effectivement. Ce sont des paroles terribles de la Bible ici. Donc dès la mise en place, lorsque le Seigneur Jésus-Christ prêchait lui-même en personne, on l'a laissé là physiquement. On voulait élever sa mère. Heureux la femme qui t'a allaité, le sein qui t'a allaité. Voilà l'esprit de la mariologie ici. Ouais. Jésus, comme le prophète a dit, il faut qu'on retourne à la parole. Jésus leur a renvoyé dans parole que les ceux qui sont heureux, et c'est ce que Apocalypse chapitre 1 verset 3 dit, heureux ceux qui lisent et ceux qui écoutent les paroles de ces prophéties et qui la gardent, les paroles qu'ils ont écrites dans cette Bible-ci. Maintenant, permettez-moi, je chute ici. Lorsque nous voyons, comme le prophète dit qu'il faut que l'Église catholique revienne dans la parole, elles ne pourront jamais revenir à la parole parce qu'eux-mêmes, ils ont cherché les bois, attaché leurs propres pieds là-dessus, ils ne peuvent pas détacher. Ils ont les doctrines telles que l'infaillibilité papale, pontificale par exemple. Lorsque le pape parle ex cathedra, c'est-à-dire que dans la chair, en tant que représentant de la succession de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre, il ne fait pas d'erreur et ce qu'il dit est infaillible parce qu'il est soutenu par le Saint-Esprit. Et donc, au fur et à mesure, sur cette dogme-là, vont être construits beaucoup de dogmes qui sont contre les Écritures. L'un des dogmes de l'Église qui fait les socles de l'Église catholique, c'est le fait que, en dehors de la parole, ils ont ce qu'on appelle donc la tradition. Donc la tradition transmissible est interprétée par le magistère. Et le magistère, donc, c'est celui qui est vivant, le représentant du successeur vivant d'après eux, sous la forme de la successeur de Pierre, qui est un mensonge. Donc c'est un tissu de mensonge. Et par conséquent, donc, l'Église catholique peut s'en sortir parce qu'ils sont obligés d'aller dans la Bible quand ça les arrange et sortir de la Bible quand ça les arrange. Or, maintenant, il faut qu'on entende. C'est pour ça que je veux souhaiter que ces prêtres-là soient ici, pour qu'ils nous disent si oui, ils croient à la totalité de la transmission de la révélation. Parce qu'il faut quand même expliquer à la lumière de la parole de Dieu. Je rappelle que l'émission interactive, vous pouvez appeler au 243-0756-32. La procédure de reconnaissance. Oui. Ou alors d'attestation de la véracité de ces apparitions. Oui. La procédure elle est simple. On nous dit que c'est l'Église catholique qui engage sa responsabilité en reconnaissant telle ou telle apparition. Oui. Elle le fait après de longues enquêtes très minutieuses. Voilà. Et c'est l'évêque du diocèse où ont lieu les apparitions qui se prononcent. Oui. Donc là, ce sont des enquêtes qui sont menées par des hommes. Oui. Des enquêtes qui ne sont pas bibliques. Ce sont les hommes qui mènent les enquêtes. Comme on a entendu, le prêtre dit que c'est le responsable. Et l'évêque se prononce. Oui. Il peut ne pas se prononcer comme c'était le cas de Monseigneur Jean Zoua, il restait silencieux. Donc, c'est totalement subjectif. Mais tout autour de lui, les gens ont dit effectivement qu'il a accepté, mais pas de façon officielle. Ce qui fait que ça a créé tout autour un culte et que les fidèles... Finalement, il a accepté ou il n'a pas accepté. Il a accepté officieusement, il a accepté officiellement. Mais par rapport à les points dont tu parles, j'aimerais soulever dans ce que vous venez de dire dans votre propos, justement, dans ces enquêtes-là, deux thèses, parce qu'ils ont dit qu'il y a quatre critères particulièrement pour qui en tout cela. Parmi les quatre critères, il y en a deux qui sont intéressants. Les deux, c'est un, il ne faut pas que ça éloigne de la foi, ça doit booster la foi comme le prêtre qui est appelé l'a dit. Ouais. Le deuxième, c'est qu'il ne faut pas que ça embrigade ou bien ça cesse de la continuité des Écritures. Et justement, parmi ce deuxième point qui est cité, montre clairement que ce point-là devait être suffisant pour eux pour arrêter toutes ces apparitions. Parce que d'après ce que nous allons voir dans les Écritures, un, Marie n'est pas montée au ciel. Deux, Marie est morte. Trois, Marie avait du péché. Toutes ces choses-là, puisque ça discontinue avec les Écritures, on devrait, sur ce point-là, qu'eux-mêmes ils ont choisi, devraient arrêter toutes ces histoires des apparitions. Alors, Charlie Bakouli, quand même, pour faire une petite synthèse de ce qu'on a dit depuis pratiquement 45 minutes, on comprend de par nos auditeurs que la Marie qui apparaît serait un esprit qui a même apparu bien avant la naissance de Marie. Justement, même avant la naissance de Jésus. Ce n'est pas la Marie biblique, la mère de Jésus-Christ qui revient sous forme d'apparition. Je l'ai dit d'ailleurs que le diable se transforme en ange, en ange de lumière. Donc là quand même, pour que les auditeurs en soient édifiés, il faut que ce soit clair là-dessus. Si vous permettez, il va falloir que nous montrions aux auditeurs que c'est eux-mêmes qui enseignent que cette Marie-là ne vient pas de Dieu, que ce n'est pas la Marie de Jésus. Oui. Vous permettez, il faut qu'on montre cela aux auditeurs que c'est l'Église catholique elle-même qui enseigne que celle qu'on appelle Marie n'est pas celle qui est révélée, qui est dans la Bible. Donc ils essaient de prendre les versets de ça et là pour pouvoir coller à elle. Si on ne fait pas cela et on le dit de façon subjective comme ça là, on pourra dire que c'est juste une dénonciation calomnieuse. Donc je tiens entre mes mains et sous réserve que vous, puisque nous sommes pas à la télévision, que vous attestez parce que vous êtes le conducteur ici, que il s'agit des compendiums abrégés pratiques officiels du catéchisme catholique de l'Église catholique. Ouais. C'est signé par le pape qui est mort, on ne sait pas quand il est mort, on veut nous flatter là, de Benoît XVI. C'est cité par Benoît XVI. Il n'est pas encore mort. Voilà. Il n'est pas encore mort. Mais c'est ce que le jeune nous dit. Mais là je prends la page 186, je crois que c'est sous votre regard. Oui, bien sûr. Les gens récitent cela chaque jour dans les cultes. Le titre du cantique, c'est un cantique, la page 186. Oui. Nous voyons effectivement, c'est ce qu'on appelle la Regina Caeli. Ouais. C'est écrit en français, puis en latin. En latin. Voilà, maintenant, nous lisons ensemble Reine du ciel, réjouis-toi, Hallelujah. Ouais. C'est écrit le Reine du ciel. Ouais. Car celui qui te fut donné de porter, Hallelujah, est ressuscité comme il l'avait dit, Hallelujah. Prie Dieu pour nous, Hallelujah, sois heureuse et réjouis-toi, Vierge Marie, Hallelujah. Donc nous voyons effectivement que la personne qu'on appelle ici Reine du ciel est attribuée à Marie. Ouais. C'est l'Église catholique, c'est dans le compendium catholique, ça se trouve. Maintenant, cinq fois dans la Bible, la terminologie Reine du ciel se réfère à un démon. C'est ce démon qui va causer le problème au peuple juif. Si vous permettez seulement, il faut qu'on regarde dans les Écritures pour voir ce qu'il en est. La référence. Prenons le livre de Jérémie, chapitre 44. Jérémie, chapitre 44, où c'est mentionné quatre fois, puis dans le livre de Jérémie, chapitre 7, verset 18. Je vais prendre rapidement Jérémie, chapitre 44. Jérémie, chapitre 44, je vais lire rapidement à partir du verset. À partir du verset 16. Nous ne t'obéirons pas. C'est le peuple juif qui parle à Jérémie. Nous ne t'obéirons pas parce que nous n'avons pas le temps. J'aurais dû prendre depuis le verset 1. Il dit : Nous ne t'obéirons en rien. C'est que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Le peuple dit à Jérémie que nous t'obéirons point. Puis il dit, verset 17, mais nous voulons agir comme l'a décidé notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel. Littéralement, c'est écrit reine du ciel. Maintenant, il dit : Et lui fait des libations comme nous avons fait. Nous et nos pères, nos rois et nos chefs dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux et nous n'éprouvions aucun malheur. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la reine du ciel et que nous lui faisons des libations, est-ce sans la volonté de notre mari, dont même le mari était coupable de... Combien pour autant, déjà quatre fois ici dans le livre de Jérémie, chapitre 44, c'est face figure. Bien avant la naissance de Jésus. Ça, c'est 700 ans avant la venue du Seigneur Jésus. Alors, vous allez nous dire dans la deuxième partie de cette émission qui est réellement cette reine du ciel. Exactement. Est-ce que cette reine du ciel est celle qui est citée dans le livre d'Apocalypse 12, que les chrétiens catholiques prennent beaucoup pour référence? C'est qui encore une ambiguïté? On va comprendre. Charlie Bakouli, écoute, même chose, qu'on peut prendre une musique. On va prendre juste une ponctuation musicale pour souffler un tout petit peu, permettre à tout le monde de prendre une bouffée d'oxygène, de se désaltérer, de revenir derrière, avec une chanson proposée pour nous, c'est bien sûr Jojo Malette qui chante « Il y a des chemins, il y a des chemins ». On écoute, on retrouve. Il y a des chemins, il y a des chemins. Et quel chemin choisir? Il y a des chemins. Il y a des chemins. des seigneurs, il y a des seigneurs, mais quel seigneur choisir? Il y a des seigneurs, il y a des seigneurs, il y a des seigneurs, des seigneurs, il y a des seigneurs, mais quel choisir? Mais quel seigneur choisir? Il y a des rochers, il y a des rochers, mais quel rocher choisir? Jésus est le vrai rocher. De retour dans ce studio avec Babette Doya qui est à la mise en onde de cette émission qui est effectivement encadrée par Tonton Théo, le doigt, l'homme au doigt d'or. Charlie Bacoudi, ce soir nous parlons d'apparition mariale, réalité divine ou simple fabulation. Nous avons déjà égrené quand même le chapelet de ce thème. Oui, effectivement, on a égrené, on a appris beaucoup de choses, on a eu des révélations, des enseignements ici même. La détermination de Marie, reine du ciel, oui. Il ne s'agirait pas, d'après ce qu'on vient de lire là, à l'instant, de Marie, mère du Seigneur, parce que les écrits remontent à Jérémie qui a vécu près de 800 ans avant la Marie, la mère du Seigneur. On ne peut pas parler de Marie, mère de Jésus. Absolument. Et on remarque également une différence dans le comportement des deux personnages, Franck. Oui, oui. La Marie du Nouveau Testament, la mère du Seigneur, est une femme quand même humble, ouais, qui, de son vivant, n'a pas souvent pris le devant de la scène. Justement. Marie, mère de Jésus, ne s'est jamais autoproclamée quoi que ce soit. Mm-hmm. Elle n'a jamais pris, elle a toujours laissé son fils. La preuve, elle dit aux noces de Cana, faites ce qu'il vous dira, oui, de faire. Bref, elle se met en retrait. Et contrairement à celle qu'on voit maintenant, qui est une déesse qui est célébrée, à qui on rend des cultes, oui, est-ce qu'il s'agirait de la même personne là, pasteur? Non, pas du tout. Tel qu'on voit les attitudes. C'est une simple affabulation, comme on l'a dit selon le thème de l'émission. Ouais. Donc, quand tu vois, nous avons des saintes écritures, on doit se référer selon l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que les quatre évangiles nous démontrent, nous détaillent même, c'est-à-dire la profondeur du ministère terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est hors de question qu'on dise que Marie, à gauche, à droite, moi, je pense que notre foi, c'est selon ce qui a été dit par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ok, alors on prend ce message qui va peut-être relancer le débat. Bonsoir Franck, bonsoir Charlie et bonsoir à tout le panel. Je ferai mention d'un fait, toujours par rapport à ce dogme qui prête à confusion. J'ai fait une lecture de l'une de ses apparitions, précisément à l'île Bouchard, où elle dit, je cite, l'auditeur ouvre les guillemets, « Je suis la co-rédemptrice ». Est-ce que, je suis la co-rédemptrice, fin de citation, est-ce que la Marie de la Bible qui a passé son temps terrestre à se soumettre à l'autorité de Jésus-Christ pourrait plus tard apparaître et s'affirmer comme co-rédemptrice? Ça c'est le Wilfried Nounet qui signe le message. Un autre message qui nous est arrivé au 699 49 37 90. Lorsque Marie apparaît à Catherine Labouré à la rue de Vac en France le 18 juillet 1830, elle donne à celle-ci une médaille qu'elle nomme la médaille du miracle et lui dit « Quiconque priera tous les jours avec cette médaille à 13h, la Vierge obtiendra des grâces de la Vierge. » Que doit-on penser d'une telle déclaration? Est-ce Marie, mère de Jésus, ou tout simplement un démon? Le message est signé de Marius Ganchop. Lorsque nous avons lu dans le compendium de l'Église catholique lui-même, qui signifie, qui nous donne la terminologie « reine du ciel ». Remarquez que dans la Bible, il n'y a pas la terminologie « roi du ciel ». Il y a, ouais, une seule fois dans le livre de Daniel, chapitre 4, mentionné le roi des cieux, parlant de Dieu qui est le tout-puissant, le créateur. Mais maintenant, souvenez-vous de ceci. Il faut que vous voyez cette subtilité. La Bible déclare que Dieu est le roi des cieux, parce qu'il y en a plusieurs. Et on dit que Marie, c'est la reine du ciel. Si on dit qu'on est la reine du ciel, c'est tout naturellement qu'on l'appelait mère de Dieu, et puis à un moment donné, femme de Dieu. Parce que, il faut qu'on explique aussi aux amis qui nous écoutent maintenant, qu'il y a plusieurs fractions même de l'Église catholique romaine. Il y a ce qu'on appelle l'Église vieille catholique, et puis récemment, en 1966, à l'issue du Concile du Vatican II, où plusieurs apostasies, contraires même aux enseignements catholiques, sont entrées, et plusieurs papes sont entrés, ont été appelés les antipapes. Mais avec les franciscains et les dominicains, les gens sont séparés d'où l'Église orthodoxe. Mmh. Vous voyez effectivement qu'ils ont la fête de la mère Dieu le 1er janvier, alors que l'autre c'est le 6. Ce qui est une contradiction entre eux-mêmes. Mmh. Donc ce qu'il veut dire, c'est que lorsque le compendium lui-même, l'Église catholique enseigne que la reine du ciel est Marie et que nous savons que cette, la personne qu'on appelait Reine du Ciel, c'est cette personne qui a vécu 900 ans, nous voit effectivement qu'il faut être aveugle pour ne pas admettre qu'on veut en train de nous faire nuit sur pécherie. De fait que nos amis catholiques, les prêtres, enfin les prêtres savent effectivement donc de quoi il est question. Je m'adresse à tous ceux-là qui nous écoutent, les fidèles catholiques, parce que lorsqu'on le dit comme ça, il dit que nous sommes là pour juger. Nous sommes là pour leur donner la vérité, parce que la vérité c'est la parole. La parole parce qu'ils sont égoulanés de l'écriture tout au long des écritures, depuis l'an 325 avec Constantin Païen, le païen qui a appelé le premier concile de Nicée, au fur et à mesure dont on va ajouter donc le mensonge aux écritures, selon nous, au fur et à mesure des écritures. Et ceux qui vont sortir comme nous pour prêcher l'écriture en leur disant de venir à l'ordre, ils vont les tasser d'hérétiques et poursuivre avec les inquisitions et autres. Oui, mais frère évangéliste, je veux quand même un peu relativiser pour être un peu équilibré. Le pasteur oui. Georges Guillaume va rebondir d'ailleurs sur la question. Oui. C'est vrai, on devrait rester figé sur les écritures, saintes écritures pour comprendre la vie de Marie. Oui. Mais il y a quand même un mystère qui réside sur la mort de Marie. Oui. Marie n'est certes peut-être pas montée au ciel, oui. comme on veut nous faire comprendre, oui. mais Marie est-elle morte? Voilà. Est-ce qu'il y a une référence biblique qui nous parle de la mort de Marie? Il y a une référence silencieuse qui dit que tout être qui vit doit mourir. C'est une référence silencieuse. Et une autre règle de l'écriture dit clairement que lorsque la Bible ne dit rien, on ne dit rien. Lorsque c'est tait, on se tait. C'est aussi simple que possible. On les enseigne cela au séminaire et à l'école théologique. Ouais. Mais comme ils sont tellement, ils disent qu'ils sont successeurs des apôtres. Et les apôtres disent qu'on ne va pas au-delà de ce qui est écrit. Mais eux, ils vont au-delà de ce qui est écrit, étant les successeurs des apôtres. Donc ce qu'il veut dire tout simplement pour passer la parole à mon copain d'Élise, ouais. c'est qu'il faut que chacun comprenne que Dieu va appeler chacun au jugement face à face avec lui. Il n'y aura pas un prêtre ni un pape. Eux-mêmes sont en train de souffrir là-bas. Ils savent effectivement ce qui les attend. Alors, pasteur Georges Guillaume Medjo, 30 ans après l'apparition de Marie en Sémalens, c'était en 1986, nous sommes en 2016, beaucoup qui nous écoutent n'étaient pas encore nés. 30 ans après, des personnes continuent à aller faire des pèlerinages dans ce lieu qui est taxé de saints. Il y a même une piscine aujourd'hui Absolument. Où des personnes se lavent. Je l'ai vu de mes malades, yeux, oui. les malades se lavent. Ils plongent un peu comme dans l'Ancien Testament avec la piscine de Bethesda et des personnes disent recevoir des guérisons. Quel est votre commentaire par rapport à tout ce qui s'entretient dans cette banlieue ou alors dans ce village de Simalène? Vous savez, je l'ai dit d'entrée de jeu, que l'église catholique, c'est un courant qui s'est implanté en Afrique depuis des années aujourd'hui. C'est-à-dire, par rapport à ces témoignages, il y a des gens qui sont là, qui se comportent, c'est-à-dire au niveau des conducteurs de cette église, comme des hommes politiques. C'est-à-dire, il faut vanter l'église, il faut donner des témoignages, des analyses. Moi, je pense que par rapport à ces témoignages, si nous voulons des miracles, il faut expérimenter la parole de Dieu. Moi, chaque jour, j'expérimente la parole de Dieu et je dis toujours que Dieu, la foi prend oui. Dieu par ses mots. Ça veut dire que tout ce que Dieu a dit dans sa parole, ça peut s'accomplir dans ta vie si tu as la foi. Donc, nous n'avons pas besoin d'aller à Lourdes, d'aller en Sémalène pour plonger ainsi de suite et tout. Ça veut dire, au fur et à mesure, c'est Dieu se révèle. Dieu se révèle aux hommes de Dieu, aux servants du Seigneur, d'une manière à une autre. Bien raison sûr. Pour laquelle vous allez constater que certains hommes de Dieu, ça dépend de la révélation qu'il a reçue. Mais tout dépend. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous parlons de Marie, nous parlons de ce qui se passe en Simalène. Il y a des gens, des hommes et des femmes qui sont en connexion avec l'Esprit de Dieu. Et quand Christ part, il fait la promesse quand tu lis les évangiles, que je ne vous laisse pas orphelin, si je continue à rester au milieu de vous, le Saint-Esprit ne va pas descendre. C'est ça la parole de Dieu. Le reste là, on va dire que non, telle est apparition, telle est montée, descendue, notre foi est basé en la personne de Jésus-Christ. Et quand tu crois en Jésus, le Saint-Esprit vient habiter dans le cœur du croyant. Et ce Saint-Esprit qui nous donne la capacité de recevoir et les miracles et de mieux interpréter les Saintes Écritures et de mieux aussi les mettre en pratique. Parce que le Saint-Esprit a une double mission ou bien plusieurs tâches. C'est-à-dire, il rend témoignage que celui-ci est devenu enfant de Dieu, que celui-ci il révèle le péché aux croyants, il convainc le péché. Et moi je pense que nous devons s'atteler à la parole de Dieu et se rendre compte que tout ce qui sort de la parole de Dieu, c'est une vérité. Frère Hilbert Tontador, on a compris finalement au sortir de ce débat qu'il ne s'agirait, il ne s'agit pas de Marie, la mère de Jésus, celle dont on parle en grande pompe. Oui. Il s'agirait d'une déesse, la reine du ciel. Donc, quand on dit déesse, il faut qu'on comprenne que chez Dieu, il n'y a pas autre Dieu que lui, mais dans ce cas, c'est un démon. Mais revenons quand même à Marie, la mère du Seigneur. Peut-on quand même lui donner un rôle spirituel quand même? Il n'y a aucun rôle spirituel, aucun mérite. Je vous salue Marie. Vous le saluez pourquoi? Pourquoi ne saluez pas l'apôtre Paul, par exemple? Paul salue aussi des problèmes, mais en fait un culte, puisque la majorité de ses apparitions, il dit qu'il faut continuer à réciter cette litanie. Il a prescrit le rosaire et l'un des apôtres les plus démoniaques qui a prescrit cela, c'est Jean-Paul II, qui a dit ses 25 années de pontificat, a alimenté cela. Donc, sorti d'ici, il peut plutôt seulement dire que le pape et toute sa cohorte, ce sont les païens déguisés avec les robes blanches. Donc, il faut tout simplement la repentance au pape, à tous ses successeurs, à tous ceux qui m'écoutent maintenant, qui sont le catholique. C'est pour ça qu'il porte le verre noir maintenant, parce qu'il veut parler avec le sang, avoir froid aux yeux. Donc, il faut que ceux qui nous écoutent maintenant comprennent que s'ils suivent cette déesse-là, ils sont les servis, les démons, et ils seront exactement à la position de Jérémie, donc ils sont contraires à la volonté de Dieu. Ok, on l'aura compris, c'était pratiquement votre dernier mot, frère Elie Bertrand, Tchabda, apparition mariale, réalité divine ou simple affabulation. Je crois que Charlie Bako dit, on peut quand même dire qu'on pourrait enseigner les vertus du personnage Marie biblique. Oui, les vertus du personnage Marie biblique, on pourrait l'enseigner aux jeunes épouses, on pourrait l'enseigner à des tout femmes. Juste un crochet. L'une des mensonges des catholiques, on dit que Marie est pleine de grâce. Il n'y a aucun verset biblique qui dit Marie est pleine de grâce. Si vous regardez dans le dogme des compositions catholiques, dans ces dogmes-là, il est écrit que Marie est pleine de grâce. Ils mettent effectivement Luc chapitre 1, verset 46 et 42. Et vous voyez effectivement qu'en lisant même leur version, ce n'est pas écrit pleine de grâce. Marie peut être pleine de grâce parce que ce n'est pas elle la source de la grâce. Et l'une des choses, c'est que ce n'est pas seulement elle qu'on a dit qu'une grâce, tu es bénie entre les femmes, comme on dit. Jaël, dans le livre des Juges, chapitre 5, verset 24, a été tassé de bénie entre les femmes. Il faut qu'il fasse le culte à Jaël. Ok, on a compris. De toutes les manières, on voulait quand même lever l'équivoque pour dire que la Marie dont faisait référence notre thème, apparition mariale, n'a rien à voir avec la Marie biblique qui était une femme pieuse en qui le Seigneur avait, à qui le Seigneur avait accordé de la valeur. Effectivement. Parce que pour que Jésus-Christ passe par le sein d'une femme, il faudrait que le Seigneur ait vraiment beaucoup d'attention au travers de cette femme. Il faut qu'elle en soit digne. Marie était une femme qui était humble. Elle n'a jamais pris devant, elle a toujours laissé la place à celui qui a été envoyé. Ah, absolument. Et si Jésus-Christ, comme il va venir la prochaine fois sur les chevaux, l'église catholique, elle est sur la terre, elle va commencer à diviniser les chevaux. Puisque quand le Seigneur passe par quelques personnes, on divise la personne. S'il passe par les hommes, on divise les. Sacré Elie Bertrand Tchabda. Peut-être une dernière question, j'en ai parlé, Apocalypse 12. Oui. Qui est donc cette femme que nous représente l'Apocalypse chapitre 12? Dans Apocalypse chapitre 12, il est question là-bas, lorsqu'on parle des dragons, la femme avec les 12 étoiles, on voit effectivement qu'il s'agit d'Israël là-bas. Il ne s'agit pas d'un scénario avec Marie. Parce qu'à cet instant-là, Jésus est parti au ciel. Il dit qu'il y a un signe qui s'est présenté dans les cieux. Il s'agit d'Israël là-bas qui enfante le fils qui doit être avec une verge de fer. Alors, c'est juste une image. C'est une image qui est présentée à Jean. Ok, d'accord. Homme de Dieu, votre dernier mot par rapport à ce thème. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui nous écoutent? Ce que moi j'ai dit, ce que je donne comme conclusion, c'est que. Marie, c'est une affabulation par rapport à la dévotion mariale. Et aux apparitions. Nous avons des saintes écritures et la promesse est dans les saintes écritures. C'est tout ce qu'elle peut dire. Pasteur Georges Guillaume Djo, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci Elie Bertrand Tchabda, frère, pour votre disponibilité. Merci Franck, c'est fin de me voir. Merci Charlie Bakoudi, vous repartez à Yaoundé. Oh, incessamment, je crois. Oui, incessamment. Merci d'avoir. Vous n'allez pas apparaître aussi en Simalena, alors. Non. Merci pour l'accueil chaleureux, surtout. Merci encore. Ok, merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés. Nous pensons à Mathieu Bahimi, nous pensons à Wilfried Nounet, nous pensons à Marius Ganchop, nous pensons à tous ceux-là qui nous ont écoutés. Nous pensons également à Grâce Tchabda qui nous écoute fidèlement et religieusement. Nous disons merci infiniment et à toute la communauté sur WhatsApp qui réagit régulièrement et qui fait des commentaires. Merci à tous encore. Ok, merci, au revoir et à vendredi prochain.